Bonsoir et bienvenue à tous, c'est Pierre pour un live, cette fois-ci en bon état de marche, de Late Night Wrestles consacré au Showcase of the Immortals, WrestleMania édition 31. Le plus grand pay-per-view de l'année n'échappera pas à l'analyse que l'on espère aiguiser de chacun des intervenants de ce soir. Le premier adore le WWE Network et le défendra corps et âme jusqu'à sa mort, c'est Seb. Je suis pas sûr, hein. Si vous avez suivi mes débats sur Twitter, je suis un petit peu dans l'opposé inverse, hein. Le network pour moi, en France, laisse tomber. Mais salut tout le monde en tout cas, bonsoir à tous. C'était évidemment une blague, mais c'est pas grave. Le second a des origines italiennes, mais cessons de parler de ses défauts, c'est Broussi. Salut Broussi, comment ça va? Ouais, salut, oui, allez où tout le monde. Ça, c'est un de mes parlers directs. Et puis non, mais je répondrai à Seb en disant qu'il aime bien Châtibière, hein, donc à partir de là. En tout cas, laissons l'adrénaline de WrestleMania revenir pour une dernière nuit ensemble. Plongeons-nous dans le Grand Stage of the Mall après un extrait du theme song de WrestleMania Rise de David Guetta featuring Kyler Gray. On se retrouve donc, et avant cela, on voudrait s'excuser. Bon, là, on a eu quelques sueurs froides, mais, mais surtout, c'est pour les sueurs froides de dimanche, qu'on a eu, en fait, on a eu quelques soucis techniques qui nous ont empêché de faire la pré-show, le pré-show, pardon, dans des conditions vraiment, pas exceptionnelles. Du coup, on espère que cette fois-ci, pour ce live, ça ira mieux. On espère que c'est gagnant et puis on va se plonger tout de suite dans WrestleMania, dans le Levi's Stadium de Santa Clara devant une assemblée de plus de 76 976 âmes devant lesquelles les catcheurs de la WWE ont performé. Il y avait d'abord un pré-show de 2 heures qui a été planifié, la première heure consacrée à la revue des rivalités par René Young, Booker T, Corey Graves et le dernier qui Byron Saxton. Dernier. Merci Byron Saxton, oui. Donc on s'en fout vraiment. Et la deuxième heure était consacrée au match. Le premier match c'était le match pour le titre tag team. Cesaro et Tyson Kidd les ont défendus face à Los Matadores, The Uso et The New Day, un Fatal 4-Way donc remporté par les champions en 9 minutes 58. Messieurs, vous avez regardé ce main event? Ah non, quand même pas, oui. Peut-être le main event pour les ceintures par équipe, c'est pas pour tout de suite. Non, mais sinon, ouais, je crois que c'est presque une tradition maintenant d'avoir des matchs pour les titres par équipe dans le pré-show de WrestleMania. Ça fait toujours du bon travail parce que c'est un match qui est assez excitant à suivre et avec en général pas mal d'équipes et ça va dans tous les sens, donc ça réveille bien la foule. Et encore une fois, ça a été le cas ce soir, hein. Il n'y a pas de grosse implication story. On a même poussé un peu les Matadores qui ont pris la place de l'Ascension dans ce match-là. Donc c'est dire aussi comment l'Ascension est descendue. Mais pas de complaintes sur ce match, hein. Ça a bien servi à ce que ça devait faire. Ah oui, bon humour ma foi, Seb. Je l'aurais faite celle-là. Mais c'est vrai, ouais, c'est un schéma qu'on a déjà vu plusieurs fois en pré-show. C'est vraiment des habitués. Il y a vraiment des habitués d'ailleurs du pré-show des matchs par équipe. Je pense aux Uso d'ailleurs, ils étaient déjà là l'année dernière. À Los Matadores aussi quand il s'appelait aussi avant et puis Coy Primo mais qui était aussi là l'année dernière. Donc il y a vraiment des abonnés comme ça du pré-show. C'est assez malheureux pour eux quand même parce qu'ils mériteraient un moment une place dans le main show. Je crois que ça n'a jamais été le cas des Uso. Donc à part peut-être dans la Battle Royale de l'année dernière, mais sinon non. Donc parce que sinon le match était quand même pas mal évidemment. Après ce qui a ajouté c'était les présences de Natalia et El Torito au bord du ring qui ont fait à un moment un petit échange assez sympa et marrant. Et puis ce match à plusieurs équipes a permis aussi de masquer la blessure de Jey Uso qui était quand même très très incertain pour dimanche dernier et qu'il a pu lutter. On avait un moment ils ont vendu une blessure et puis c'est bon, il était un petit peu de côté. Comme il y avait 4 équipes, ça marchait très bien. J'ai remarqué peut-être Cesaro un poil moins présent, mais vu ce qu'il va faire hein, encore au match après, je comprends mieux, mais pas de problème et pas de surprise pour les vainqueurs non plus, évidemment. Moi, je serais peut-être moins catégorique parce que, enfin, je trouvais que ce match c'était un peu le bordel. Enfin, c'est pas pour vous, mais il est parti un peu dans tous les sens. Ah, c'est le but de ce Enfin, match, bon, hein. ouais, mais bon, Moi, je suis pas étonné, enfin, ça a ça manquait déjà un été petit le peu cas les autres de années, montrer. donc. Ouais, Pour moi, j'ai du pré-show, trouvé c'est que très des bien. fois, on savait même. Enfin, je trouvais que ça, des fois, on savait même plus qui était l'homme légal, et même l'arbitre a dû renvoyer quelqu'un qui faisait le tomber parce que c'était pas sur l'homme légal qu'il faisait. Enfin Ah bref, c'était oui, un ça peu c'était étrange. marrant. Sinon, pour la division tag team, on va parler vite fait de Raw After WrestleMania. Hein. On va parler des Lucha Dragons qui ont fait leur début à Raw juste le lendemain. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que Kalisto a fait très forte impression. Très forte impression, effectivement, le public le connaissait, donc ça a bien aidé, et il était vraiment le chouchou de ce match-là, mais je suis pas du tout surpris. Kalisto, je le suis régulièrement à NXT, et c'est vrai que c'est un catcheur assez exceptionnel, il fait des manœuvres que lui seul est capable de faire, hein. Même Rey Mysterio, à l'époque, je suis pas sûr qu'il était capable de faire certaines des prises de Kalisto, donc pour moi, oui, c'est parti pour être le début d'une belle carrière pour ce petit bonhomme. Après, bien On a sûr. Mehdi Soula sur pardon, excuse-moi, Bruce, si je te coupe. Et on a Mehdi sur YouTube qui dit que le match par équipe était sympa et qui donne vraiment de la dynamique en Open de Mania. En tout cas, il a bien aimé Bruce, donc Lucha Dragons. Ben ouais, après, il y a juste le truc, c'est qu'il y a une telle prise de risque, forcément, qui, honnêtement, à un moment donné, ça amène des botches inévitables, on le sait, bon, il y a Sin Cara. C'est pas Sin Cara originel, et tout de même, mais voilà. Et Kalisto, je me rappelle qu'à NXT, il y avait un moment, il y a pas mal de botches, mais bon, sinon, quand même, ça peut être une bonne équipe, et qui s'avance en challenger, déjà, de Cesaro Kid, d'après ce que j'ai vu. Donc voilà, ça me semble assez parti, et puis à voir, parce que ça fait quand même assez rapide que ça fasse pas le même truc que The Ascension, qui était monté très haut, mais qui eux quand même n'ont pas de talent par rapport, donc logiquement ils sont redescendus, voilà. On va passer à la suite, messieurs. Je vous propose donc de passer à cette André the Giant Memorial Battle. Ah, ça fait beaucoup de mots en anglais à dire d'un coup. Remporté par le Big Show en 18 minutes 5 secondes. Les derniers participants étaient Miz Dow, The Miz et Big Show. Miz avait voulu envoyer Big Show au-dessus de la troisième corde, mais Do ne s'est pas montré vraiment coopératif en voyant son enfin l'acteur principal par-dessus la troisième corde. Le Stunt Double a ensuite eu beaucoup de mal face au géant, un peu naturellement. Et le géant finit par emporter Big Show, un peu descendant naturel entre guillemets de André le Géant, qui remporte une Battle Royale qu'on lui pensait dédiée l'année dernière. Un an trop tard. Je sais pas ce que tu en penses, Brusty. Oui, quelque part, oui, c'est sûr qu'il aurait pu être le vainqueur de l'année dernière, qui aurait pas eu de problème. Et puis du coup, je pense que c'est reporté à cette année sans souci. Moi, ça me dérange pas d'ailleurs. C'est sûr que beaucoup de monde, vu la typographie du match, aurait espéré que ça soit Damien Mizdow qui gagne, ou même a espéré une redite de Cesaro qui a fait quand même aussi un grand match et qui a failli éliminer Big Show encore d'ailleurs, mais il a fait une superbe élimination de Kane juste avant d'ailleurs. Ouais, il y avait quand même quelques inconnus comme ça, mais c'est vrai que avec Big Show, moi, chaque année depuis 2-3 ans, comme avec Kane, comme avec Mark Henry aussi qui participait au match, je me demande tout le temps est-ce que c'est sa dernière année ou pas. Donc, sachant que je sais pas s'il sera encore là l'année prochaine, c'est logique qu'il la gagne quand même avant de finir sa carrière. C'est très très logique, c'est sa place naturelle. Et après le match, j'ai quand même bien aimé une Battle Royale, c'est assez bâtard, surtout quand ils sont tous comme ça sur le ring, c'est un sacré bordel. Mais ensuite, ouais, ça s'est quand même bien déroulé. Il y a quand même eu le bon jeu, voilà, avec Miss Do. D'ailleurs, j'espère va redevenir sans Do du coup. Maintenant, vu la trahison, donc ça serait normal. Et il a bien enflammé le public quand même à la fin, c'était assez sympa, ouais. Seb. Oui, résultat qui me surprend. pas tellement, puisque c'était le dernier trophée qui manquait au Big Show pour remplir sa collection. Hein. Je pense que maintenant, il a fait le tour. Il peut prendre sa retraite demain, il n'aura plus rien à faire. Donc voilà, si on va dire que c'est fait. Sinon, ce qui m'intéressait surtout dans ce match, c'était de voir comment la rivalité Miz-Mizdo allait évoluer. Forcément, je savais qu'il y aurait une implication entre les deux, je savais pas dans quel sens. Soit c'était Mizdo qui faisait passer le Miz par-dessus la troisième corde, soit c'était l'inverse. Finalement, ils ont opté pour le choix numéro 1, c'est-à-dire faire passer le Miz par-dessus la troisième corde. Je pense que c'était le bon moment de faire ça, puisque la rivalité, quand même, elle tourne maintenant depuis un certain moment. Il faut la conclure, et ça se conclura certainement au prochain pay-per-view. Et voilà. Personnellement, moi j'ai trouvé ça un peu débile de pas faire une mise d'eau pour donner le titre au Big Show. Pas sûr qu'il en ait réellement besoin, pas sûr qu'il ait besoin que sur son palmarès il soit dit André le Géant, enfin Battle Royale, mais pour André le Géant, pour vraiment faire le rapprochement entre les deux. Et c'est dommage d'effectuer le face turn de Mizdo et finalement lui donner une défaite juste derrière, ce qui est un peu, ça fait un peu retomber le souffle immédiatement. Je suis aussi déçu de l'utilisation de Hideo Itami, qui n'a pas fait long feu non plus sur le ring. Bon, Axel Mania, c'était très drôle. Bon, globalement, ça allait, ça faisait bien passer le temps, quoi. Donc du coup, bon, un petit 18 minutes. Pas tranquille pour attendre WrestleMania, ça allait. Mais c'est pas non plus un match dont c'est indispensable. On va passer au premier match pour le titre intercontinental, qui est un leader match à 7 entre Daniel Bryan, Bad News Barrett, R-Truth, Dean Ambrose, Luke Harper, Dolph Ziggler et Stardust. C'est le premier des susnommés qui a remporté le match, donc Daniel Bryan, après un échange de coups de tête avec Dolph Ziggler du haut de l'échelle en 13 minutes 47. Donc on va commencer par Seb qui a leur micro. Donc. Oui, j'en profite, un micro de qualité made in Alsace. Hein. donc le match, je trouvais qu'il était sympa. Ça se suit bien. Il n'y a pas de prise de tête, je veux dire, dans ce match. Hein. C'est le genre de match qui se suit toujours agréablement. Si, hein. Si, si. Il y a deux prises de tête à la fin. Ouais. Des coups de boule, plutôt. Oui, donc. C'est tout pour moi. Non, tu m'as un peu déstabilisé, je savais plus ce que je voulais dire. Mais oui, le sinon, ouais, R-Truth, par exemple, je sais pas trop ce qu'il foutait là. Hein, c'était un petit peu l'erreur de casting. Hein, il aurait mieux fait d'être parmi les jobbers dans le match de la bataille royale. Je sais pas trop pourquoi il était là. Bon, il était là, on l'a pas spécialement vu, mais tant mieux. Sinon, ouais, que dire, surtout revenir rapidement sur la rivalité, moi, que j'ai détesté. Ça consistait, comme je l'avais dit lors du pré-show, que peu de gens ont pu entendre dû à nos difficultés techniques, que c'était une patate chaude finalement le titre et que ça n'avait aucun intérêt. Donc finalement la rivalité n'était pas bonne, mais la conclusion est pas mal, puisque le match m'a plu. Donner le titre à Bryan aussi, c'est un beau lot de consolation, hein, donc plutôt satisfaisant pour ma part. Moi aussi. Bah oui, moi aussi, honnêtement, c'est satisfait parce qu'en même temps, je me rappelle, on en a discuté lors du Vintage aussi de WrestleMania avec le match à échelle entre Shawn Michaels et Razor Ramon aussi pour le titre intercontinental. On avait dit que depuis, il y avait eu tellement de matchs à échelle que ce serait dur d'innover. Donc à partir de là, même à les quelques gros talents quand même qu'il y avait dans ce match, j'attendais pas quelque chose d'hyper nouveau, mais des choses bien réalisées, quoi, de bons enchaînements, de bons bumps, et c'est ce qu'on a eu quand même, c'est sûr, avec le truc quand même de la powerbomb, forcément, qu'Ambrose a pris. D'ailleurs, je croyais qu'il allait être hors service, mais quelques temps, on l'a revu déjà le lendemain à Raw. Donc ensuite, ouais, il y a eu aussi Stardust, évidemment, qui a pris une sacrée superplex par Wade Barrett par du haut de l'échelle. Donc tout était bien fait. La séquence finale, j'aime beaucoup. Je suis légèrement surpris quand même que Daniel Bryan soit champion, mais bon, il a une telle aura, je dirais, le Yes Movement est tellement fort qu'il fallait encore qu'il ait le moment yes du à WrestleMania encore une fois après ce qui s'est passé l'année dernière bien sûr. Et puis il a eu quand même toutes les félicitations de Hall of Famer célèbre qui aurait été champion intercontinental après, c'était pas rien, les Ric Flair, Bret Hart et compagnie. C'était quand même pas mal, une bonne ouverture de show en tout cas au soleil toujours. La constante de la soirée. Ouais, en effet, à part sur le dernier match, tout le show s'est fait sous le soleil. Je vais vous rejoindre sur le fait que ce match était sympa, mais que j'ai pas aimé la rivalité. La victoire de Daniel Bryan, on va voir plus tard, ça compense aussi le fait que d'un autre côté, il y a un autre main eventer qui va prendre la ceinture, l'autre ceinture secondaire. Bon, ça fait deux gros noms pour les ceintures. Hein. Les ceintures. En fait, là, c'est pas tellement les catcheurs qui reçoivent un push, c'est plus les ceintures qui ont été un peu maltraitées depuis quelques années. C'est clair. Ils ont eu leur petit moment de gloire par moment. On se souvient de plusieurs débats où on dit « Ah, ça y est, c'est le renouveau de la ceinture intercontinentale. C'est le renouveau de la ceinture américaine, notamment quand Dean Ambrose l'avait récupéré avec The Shield. » Mais bon, on a dit que c'était pas le cas. Enfin, en tout cas, là, cette fois-ci, avec Cena et Daniel Bryan, ça m'étonnerait que la WWE méprise ces deux catcheurs et les laisse de côté sans leur donner de matchs fréquents. Je voulais juste dire qu'on l'a vu ensuite après Euro que ce sont vraiment des champions combattants d'ailleurs qu'elle veut faire, qui défendent leur titre très souvent. C'est un pari assez osé qu'ils avaient déjà fait le lendemain avant, mais qui peut être intéressant avec ces deux-là, évidemment. C'est vrai. Il y a Mehdi qui dit que le match est bon, qu'il y a de bons spots, la rivalité, je la trouve, est fun, même si j'aurais aimé que le titre est Ambrose. C'est vrai qu'Ambrose a perdu. Il a pris le plus gros spot du pay-per-view, à mon avis, en tout cas au niveau du mec qui le reçoit, puisqu'il a fini dans l'échelle. C'est Ambrose, je sais pas ce qu'ils vont faire. Le lendemain, il a eu un match face à John Cena pour le titre US, mais qu'il a perdu. Apparemment, il ferait une rivalité face à Luke Harper, celui qui l'a envoyé dans l'échelle, mais bon, c'est un peu léger. C'est-à-dire que après à SmackDown, il s'est fait passer à travers une table par Luke Harper encore. Mister Spoiler a encore frappé. Mister Spoiler, ok. Voilà, c'est Bruce Lee un peu assisté par ma personne. On va passer au second match entre Randy Orton et Seth Rollins. C'est l'ancien membre de The Authority, Randy Orton, qui a battu Seth Rollins. C'est pour accompagner de JJ Security, une menace folle. En tout cas, il a battu Seth Rollins en 2015 sur le move de la soirée. Je pense qu'on peut tout simplement dire ça, c'est-à-dire un curb stomp lancé par Seth Rollins, contré et ramassé en RKO. Voilà. Donc, Boussy. Ah oui, voilà. Bon, mais alors cette fois-ci, quand même un petit peu surpris, parce que bon, quelque part, je me disais que Seth Rollins pouvait gagner, ça aurait pas été usurpé, et puis Orton en même temps, il est quand même un peu habitué parfois à perdre par-ci par-là, en même temps maintenant c'est entre guillemets un vétéran, donc il peut se permettre de perdre, mais bon, quelque part je me dis que ce résultat a une logique, et puis il me fait penser à quelque chose, mais j'en reparlerai après durant le main event évidemment, quand on sait ce qui se passera. Mais alors le match forcément il est quand même très bon et c'est pas innocent qu'il y ait quand même Seth Rollins qui a quand même beaucoup bonifié Randy Orton parce que quand même Randy Orton ça faisait depuis quelques années qu'on dit souvent que dans une bonne partie de ses matchs il est globalement entre guillemets chiant mais là franchement il y a quand même beaucoup de rythme et puis alors forcément ce RKO final est le plus beau qu'il ait jamais fait bien aidé par Rollins quand même qui saute en l'air vraiment C'est impressionnant le saut qu'il fait, on aurait dit qu'il avait un trampoline alors qu'en fait c'était juste le cœur du ring. Vraiment très impressionnant, c'est le move du show à mon avis, sans souci. Et vraiment là on continue sur une bonne suite parce qu'on a vraiment une bonne première heure. Et puis là vraiment ce match continue bien je trouve et ouais c'était bien conforme à la rivalité sur laquelle d'ailleurs vraiment la route vers WrestleMania c'était beaucoup appuyé. Rivalité que j'ai pas trop aimé car sur la fin ouais en effet mais bon voilà au final quand même c'est une bonne chose ouais Seb. Ouais, moi je trouve que c'était un match solide. Il n'y a rien d'exceptionnel, si ce n'est, comme on l'a dit, la fin qui est vraiment magique, hein, clairement un des moments du show. Même sur le coup, je me suis dit que c'était le meilleur RKO que j'ai jamais vu depuis que j'ai regardé le catch. Et finalement, avec le recul, c'est peut-être pas le cas. Je pense que c'est peut-être le RKO qui a été porté lorsque Evan Bourne a tenté son saut de la troisième corde. Et Randy Orton l'avait rattrapé et lui portait le RKO. Je pense que celui-là est quand même au-delà. C'est quand même le numéro 1 à mes yeux. Mais celui-ci, avec Seth Rollins, je le mets en deuxième position. Il n'y a pas photo. C'est quand même du en très tout cas, beau. Niveau originalité, en tout cas, au niveau originalité, personne ne s'y attendait. Ah oui, en ça. En de contre de RKO, c'est pas commun. Enfin, c'est pas un truc qu'on imaginait forcément. Tout le public s'est levé spontanément, d'ailleurs, pour cette prise. C'était assez impressionnant à voir. D'un seul homme, tout le monde s'est levé. Donc, et en plus, le timing, surtout, qui était vraiment pas évident à faire, le timing est parfait sur la prise. Hein, donc, chapeau aux deux catcheurs, hein, pour ce match et surtout Rollins pour ce qui arrivera par la suite, comme on va en parler tout à l'heure. En tout cas, Mehdi dit pareil. Enfin, le match est bon. Dommage, c'est que Orton n'ait pas été assez violent. C'est vrai que l'opposition n'a pas été vraiment au niveau de ce que laissait supposer la robe. Et en tout cas, c'est un bon match et un putain de finish. Enfin, on n'est pas PG, donc on peut dire un gros mot. Et James est d'accord. Et, enfin, il dit qu'il a travaillé ce finish des centaines de fois. À mon avis, ouais, pour être juste, en tout cas, il était vraiment très fluide. Pour une première, ça paraissait vraiment travaillé. Ce qu'on va faire, là, on va faire une petite pause parce que Broussy est fatigué. Broussy est vieux. Donc voilà. On va vous lancer une petite musique de pause parce que c'est WrestleMania, donc on va vous mettre un petit peu d'ambiance et on se retrouve juste après ce petit morceau concocté par l'ami Vincent. À tout de suite. On se retrouve donc après The Macho Man Randy Savage, celui qui méritait sûrement le plus l'introduction au Hall of Fame, comme on en avait discuté avec un certain Diamond Dallas Page lors d'une interview que vous pouvez toujours retrouver sur la chaîne YouTube. Pendant que MP a trouvé le chemin du chat YouTube, et on le salue, on l'aime bien, notre petit Québécois, il nous manque. On va donc relancer avec un nouveau match, et pas des moindres, était clairement très attendu. Un match entre Triple H et Sting. Triple H a battu Sting en 18 minutes 36 dans un match qui était déclaré simple, qui est devenu sans disqualification, où au début on pensait qu'il n'y aurait que Triple H et Sting. Finalement il y a D-Generation X qui est arrivé, puis la New World Order aussi, ils sont plus vieux maintenant, mais avant c'était New World Order. Donc un bon gros moment nostalgie que la WWE nous a offert, mais c'est Triple H qui a battu Sting. Seb, qu'est-ce que t'en as pensé de cette défaite un peu surprenante? Cette défaite, ouais, surprenante, effectivement. J'étais quasiment persuadé que Sting allait gagner ce match. C'était son premier WWE, je vais pas vous l'apprendre, je pense. Et effectivement, le voir perdre, ça m'a beaucoup surpris. Déjà, premier élément qui m'a surpris, c'est l'ajout de la stipulation no disqualification qui n'était pas annoncée à ma mémoire. Bon, après, ça me surprend pas tellement dans le sens où, quand je me souviens bien de son run à la TNA, tous ses derniers matchs étaient des matchs sans disqualification, justement pour cacher un petit peu les faiblesses de Sting qui prend de l'âge. Hein. Je crois qu'il a 50 ans ou pas loin en tout cas. Et 56 donc forcément, ans, ouais. Il est... Ouais, 56 ans quand même, donc forcément il est plus dans la force de l'âge et il faut un petit peu le cacher. Bon, il est encore capable de faire des choses solides, quoi. Comme on l'a vu avec Triple H, il a bien bossé pendant une bonne dizaine de minutes avant les interventions. Après les interventions, elles ont fait une autre dynamique dans ce match. Hein. Ça a totalement changé l'intégralité de la complexion du match. Le moment final m'a bien plu avec la batte contre le Sledgehammer. C'était attendu et ça m'a fait plaisir de voir ce petit moment-là. Mais la victoire, comme je dis encore une fois, m'a surpris. Ben moi aussi, forcément, quelque part, ouais, me surprend, parce que c'est vrai que quand on voit quand même une telle légende débuter à WrestleMania, peut-être que c'est son seul match d'ailleurs, parce qu'il avait dit en interview la veille que ça devrait être même, il le disait, son dernier match, et puis ça dépend peut-être des avis des fans, éventuellement pour en avoir un autre plus tard, peut-être à WrestleMania 32, mais en même temps, à 56 ans, avec quand même une carrière très longue qui a commencé, waouh, la vache, c'était quand même il y a 30 ans, donc c'est quand même assez balèze comme longévité, surtout à un tel niveau. Et après, moi, j'étais assez admiratif du fait que quand même son match précédent il datait du 23 janvier 2014, donc autant dire, ça fait quand même un sacré bail. Et il a quand même bien amené, je trouve, il a quand même bien montré sa dextérité. Et après, c'est vrai que c'était quand même pas mal qu'il y ait toutes ses interventions. Parce que au final, c'est vrai qu'on se dit que avec un quart d'heure, ça aurait été compliqué finalement de bien tenir le rythme. C'est sûr que là, cette fois-ci, Triple H, il n'avait pas Daniel Bryan face à lui, donc c'était assez différent. Ouais. J'ai bien aimé les interventions diverses et variées. C'était vraiment un remake des Monday Night Wars à l'époque, vu qu'ils étaient vraiment sur ça à fond dans cette rivalité. Donc ils étaient vraiment, voilà, sur le truc. De faire une guerre WWE contre WCW. Et puis Shawn Michaels, par contre, ça m'a beaucoup surpris, donc qu'il soit arrivé d'un coup. Donc comme quoi, ça a bien marché de mon côté, l'effet de surprise. Et puis je note un truc, la batte de baseball, c'est beaucoup plus fort que le Sledgehammer, hein, parce que la quand même finalement le Sledgehammer a quand même couché Sting, hein, ouais, mais c'est là, bizarre, je dis rien, mais dans l'opposition directe, disons que la batte, elle a quand même un petit peu brisé le manche du Sledgehammer. En effet, ouais, c'est beaucoup plus fort, en effet. Alors, il y a MP qui dit que c'est un match très basique techniquement, mais qui a bien servi Sting, je pense, vu l'âge qu'il a. James dit, quant à lui, que Sting a dit qu'il compétait pour lui et non pour la WCW. Et du coup, il critique un peu l'arrivée de la NWO. Je le rejoindrai sur ce fait-là, sur le fait que le booking s'est orienté sur une nostalgie années 90 jusqu'aux entrées. Hein. Enfin, l'entrée de Triple H sur base de Terminator, tout puait les années 90. Hein. Ouais, justement, pour la petite précision, c'était bien sûr une promo de Terminator 5. En effet, de Genesis, qui va sortir avec Emilia Clarke et le retour de Schwarzy. Oui, nouveau Hall of Famer. Oui. Nouveau Hall of Famer, en effet. I'll be back. Peut-être un peu moins marquant que le reste, hein, mais voilà. Mais ouais, ce match était un peu décevant, pas dans le sens où techniquement on s'attendait à des folies, mais dans le sens où le booking, enfin l'overbooking ambiant a été un peu abusif. Mais d'un côté aussi, ça a pu satisfaire une partie du public nostalgique, peut-être comme nos amis Rubénito, Renaud ou même toi Broussy, hein, enfin revivre un peu les Monday Night Wars, ça peut être cool. Donc, pourquoi pas, mais bon, après c'est un match dont certains seront exclus et d'autres non. Mais bon, c'est vrai que vu l'âge de Sting et tout, c'était quand même correct. Mais bon, vu le booking et tout, on aurait pu s'attendre à mieux. Passons tout de suite à il y a la performance musicale d'abord, en effet. Une performance musicale, bon bah voilà, on va vite y passer. C'était du playback ou quoi? Non, je crois pas. Je sais pas, je ne pense pas. Ah non, pour moi, Skylar Sky Hargrave, elle chantait vraiment, hein, ça se sentait. Ah, pour moi aussi, ce qui m'a surpris, parce que d'habitude, c'est clairement du playback, et là, pour une fois. Ça dépend, non, les entrées, enfin, par exemple, les performances live. Les entrées, ouais. Ouais, sur les entrées, généralement, sont en direct, tout ça. Je sais pas, peut-être du playback ou pas, mais non, là, il me semble que c'était du live. Je pense que ça devrait se faire. Du coup, après ces performances, c'était au tour des divas. Give diva the chance, disait l'autre. Mais cette fois-ci, AJ Lee et Paige ont battu les Bella Twins, certes, mais en 6 minutes 42. Ouais, un petit coup de mou pour le Give diva the chance. Quel est ton avis sur ce match, Seb? Oh, pas un grand avis sur ce match, hein. J'ai pas beaucoup de souvenirs, pourtant j'ai vu le show il y a quelques jours, mais déjà maintenant ça se noie dans le nombre d'événements majeurs qu'il y a dans WrestleMania. On se souviendra absolument pas de ce match de Diva qui est quand même pas mauvais, pas dégueulasse, mais clairement pas mémorable. Bah, faut dire qu'il y avait pas non plus de l'enjeu réel, il y avait pas de titre en jeu, c'est ça qui est couillon quand même. C'était juste deux amis et ennemis, voilà, qui affrontaient les deux sœurs. Donc, en plus des face contre des heels, alors là, au niveau des divas en général, à WrestleMania, en plus, quand il n'y a pas d'enjeu, on sait qui gagnait à l'avance, ce qui biaisait déjà le suspense. Après, le match, je l'ai trouvé correct à partir de là, surtout que le temps donné n'était pas énorme. Après, c'est sûr qu'à vu la rivalité, bon, ça allait pas non plus être un match de 15 minutes. Mais je devine après où il y a eu quelques minutes récupérées dans un segment plus tard, mais quoique... Mais quand même, voilà, après je note juste la performance de Paige, et puis le fait que AJ Lee, c'est assez marrant aussi, elle a souligné qu'elle est sur une streak à WrestleMania, 2 victoires en 2 matchs. Eh oui. Donc voilà. Non, The Rock, c'est plus tard. Enfin, moi personnellement, ouais, je trouvais ce match assez simpliste. Ouais, il n'y a pas grand chose à retenir ce match. Déjà, il n'y avait pas d'enjeu. Si ce n'est peut-être la, j'ai bien aimé le petit segment de SmackDown juste avant WrestleMania avec Nikki, ouais. Bella est sympa, hein. Ouais, il est sympa parce que oui, c'est une bonne réponse, enfin il est bien, vous il avez est bien du ton micro et bien exploité. Enfin, en même temps, enfin le problème c'est que ce SmackDown là, c'était le dernier un peu filler que personne regarde ou presque. Donc c'est un peu bizarre, hein, c'est... Enfin bref, enfin je sais pas, du coup ben le Give Diva the Chance il prend quand même un sale coup, enfin je sais pas pour vous, voilà. Est-ce qu'on veut vraiment y revenir, parce que le Raw du lendemain, enfin voilà, il y a un 3 contre 3 assez sympathique. Je dirais juste qu'à l'arrivée c'était Give Naomi a Chance et voilà. Ouais, pourquoi pas, ouais, c'est sûr. Du coup, on va passer à la suite avec John Cena qui a battu Rousseff pour donc première défaite du Russe à WrestleMania malgré une arrivée en char à peine exagérée. Rousseff donc qui a perdu. En fait, Lana a voulu déconcentrer l'arbitre. Rousseff a voulu se jeter sur Cena pendant que celui-ci était un peu déconcentré. Cena l'a vu arriver, l'a esquivé et Rousseff est rentré en plein dans Lana. N'y voyez pas de sous-entendu malsain. John Cena a enchaîné avec un attitude adjustment pour finir ce match en 14 minutes 31 secondes. On va commencer avec ce cher Bruce Lee, qui a bien connu cette époque de la guerre froide, vu que c'était, Staline c'est ton temps, hein, je pense. ouais, légèrement, oui, effectivement, oui, Khrouchtchev, tout ça, oui, c'est assez sympa, oui. C'est vrai qu'il y avait encore le mur de Berlin, moi, quand j'étais petit. Attendez, c'est vrai qu'il y a James qui vient de mettre sur YouTube, qui avait pris un pari un peu osé de se couper les parties génitales si jamais Rousseff battait Cena, et c'est un pari qu'il a gagné. Il va conserver sa qualité d'homme ce soir. Mais ne prenez pas beaucoup de risques, notre ami. Quand même. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Quand même. On t'attend sur Extreme Rules. On espère que tu prendras peut-être un peu plus de risques. Ouais, parce que déjà sur Triple H, Sting, il aurait eu peur, je crois. Peut-être, peut-être pas pour te scarifier ou quelque chose comme ça, mais prends un pari comme ça. On aimerait bien voir un pari comme ça sur un résultat un peu plus osé. Je sais même plus. C'est Bruce qui a commencé. Oui, c'est moi. Donc oui. Bon, fini de parler des souvenirs des années 80. non, mais vraiment, oui, la meilleure entrée pour moi du show, même si j'ai bien aimé les entrées de Sting et surtout Triple H ensuite après. C'est bien sûr celle de Rousseff sur le char, c'était assez balèze, très bien fait tout ça, avec tout le truc russe avant, l'entrée sur l'hymne, tout ça, c'était vraiment parfait. Après, à côté, c'est sûr que Cena, c'est vachement simple, parce que c'est vraiment l'opposition qui m'a fait rire d'ailleurs. T'as Rousseff qui arrive avec un char et puis Cena qui arrive avec sa serviette, donc ça fait des armes assez différentes. Avec avant, pour bien jouer sur la fibre guerre froide, Ah oui. enfin mi-guerre Tout froide, un mi-républicaine, speech avec de Ronald Reagan et George W. Bush. Alors là, plus républicain, tu meurs. C'est les deux présidents les plus républicains de l'histoire, je pense. Enfin, plus marqués républicains, en tout cas. Du coup, ouais, c'était une entrée très pro-américaine et très pro-républicaine, surtout. Boussi, vas-y, continue. Oui, après, concernant le match. Alors, déjà pour le résultat, aucune surprise parce que c'était vraiment un truc déjà que perso je pensais que ce match allait arriver depuis des mois et des mois depuis l'été dernier. J'en avais déjà parlé, je pense, quelques fois. Après, c'est sûr que entre en parler et que ça soit réalisé, il y a toujours un petit évidemment suspense, mais là, c'était fait. Et puis, sachant que Rousseff avait réussi entre guillemets par miracle à conserver la fois précédente, mais sans surprise entre guillemets aussi. Sans sortir Cena du jeu, là forcément que le deuxième match ça allait pas louper là, et puis c'est ça qui m'a gêné, la fin elle est beaucoup trop simplette, trop voilà, trop, je sais pas, un petit peu vraiment trop simpliste, et qui fait voilà Cena wins lol un petit peu quand même à la fin, alors que la première partie du match j'ai quand même beaucoup aimé, et qu'un Rousseff vraiment impressionnant, c'est vrai qu'il a quand même de grandes qualités, il les a démontrées tout au long de son règne notamment. Et puis là encore, il est quand même balèze, il sait conduire un match, c'est ce qu'il fait parfaitement. Après Cena, il sort encore un move, comme ils appellent le springboard stunner. Un peu dégueulasse. Ouais, un peu bizarre quand même pour un stunner, mais enfin bon. Mais quand même, sinon il a fait quand même un match correct, Cena, là-dessus je vais pas le critiquer. Donc au final, bon, pas déçu du résultat, et sinon content de revoir Lana, qui forcément est absente vu qu'elle tourne un film avec Edge, je rappelle. Car ça a foulé, je sais, beaucoup la toile de ne pas la voir semaine après semaine. Voilà, ça restait un match. Bon, Seb, je vais te donner la parole après, je vais donner mon avis avant pour une fois. Pour moi, ouais, le match, ouais, c'est la fin qui me gêne un petit peu. Je pense que ça aurait pu être un peu mieux booké, de manière à pas rendre Rousseff un peu trop, enfin, comment dire, pas stupide, mais un peu bête, quoi, dessus. Mais bon, cette victoire, elle redonne quand même un sacré intérêt au titre des États-Unis. Enfin, pas que Rousseff en enlevait, mais Cena, c'est quand même une sacrée dimension. Et John Cena, qui a été malmené, que ce soit à WrestleMania, on en parlera après aussi à Raw, juste après WrestleMania, sur son entrée, le public a commencé à reprendre en chœur John Cena sucks en rythme avec la musique. Un chant que je trouve très drôle et que j'essaierai de lancer à Anvers avec plaisir. Seb. Moi, j'ai trouvé le match pas mauvais. Je reste déçu qu'il n'y ait pas le côté inédit de ce match, puisqu'il y avait le même affrontement un mois plus tôt à Fastlane. Ça aurait fait du bien, je pense, d'avoir la primeur de la première confrontation entre les deux à WrestleMania. Là, on a perdu un peu de suspense sur ce match qui était quasiment inexistant à mes yeux, hein. Il n'y a aucune chance que Cena perde deux fois de suite contre Rousseff, hein. Donc la série d'invincibilité de Rousseff allait tomber, c'était une certitude. Là où je pense que la fin est bien faite, c'est que ça laisse quand même une petite excuse à Rousseff, puisque c'est Lana qui a coûté le match finalement à Rousseff. Donc il reste sur cette petite excuse-là, et je suis sûr qu'il va certainement se défendre là-dessus dans les semaines prochaines, dans les Show Weekly. Sinon, oui, le titre US, à l'instar du titre intercontinental qui va d'un coup prendre une valeur décuplée par 10, là, c'est quand même abusé, hein. On part de tellement loin et maintenant tu te retrouves avec John Cena champion. Si on t'avait dit ça il y a 2 ans ou 1 an, jamais de la vie tu y aurais cru. Ça fait un peu un booking d'un joueur de WWE 2K15. On va mettre Ouais, les c'est vrai. meilleurs aux champions, hein, tout de suite. Bon, ouais, C'est ça. c'est un peu booking de fans, hein, sur les bords. Et sinon, juste c'est mettre une petite réserve sur l'avenir de Rousseff, parce que maintenant qu'il n'est plus champion US, est-ce qu'il va vraiment pouvoir faire une carrière entière sur le côté russe? Je pense qu'au bout d'un moment, ça marchera plus, quoi. Il faudra trouver quelque chose d'autre, et je suis pas sûr qu'il soit capable de franchir le palier supplémentaire dans lequel il est actuellement, hein. Pour moi, il est bouché là. Alors, avant de te donner la parole, Brucey, il y a MP qui dit que en tout cas ce match redonne de l'importance au titre mineur, comme le disait Sébastien, et qui pense que Rousseff aurait pu garder sa streak d'invincibilité pendant un peu plus longtemps. Bon, et il dit aussi que le match à Fastlane était meilleur. Pareil pour Mehdi, qui pense que le match Fastlane était aussi meilleur que celui de WrestleMania. Brucey, qu'est-ce que tu voulais nous Ah bah dire? justement, c'est parfait, j'allais vous poser la question, lequel des deux matchs vous préférez? Parce que pour moi, c'était Fastlane Fastlane aussi, aussi, ouais. pareil. Pour moi, enfin, Ouais, la fin était pareil. un peu mieux bookée, même si bon, on pourra regretter. Enfin, Rousseff n'a jamais eu de victoire clean, hein, vraiment, entre guillemets, même s'il a réussi à poser une soumission sur Cena. Et je pense pas qu'il ressorte si affaibli que ça, parce qu'il prend juste un attitude adjustment. Il n'abandonne pas. Ça reste quand même un monster heel de qualité. Je pense que s'il glisse tout doucement, sans toucher sur la fibre russe, je pense qu'il est assez installé maintenant pour que le public fasse abstraction de ça. Même si c'est de la cheap hit gagnée fastoche, ça peut réussir sans, je pense. On va passer à la suite avec un segment sur oui, Umar Punk va réagir, oui, en effet. Avec un segment, oui, un segment à WrestleMania. Bref, Stephanie McMahon et Triple H arrivent sur le ring. Stephanie se targue du succès de WrestleMania. C'est un discours qui tourne rapidement à l'autocongratulation, comme on pouvait s'y attendre. Finalement, The Rock arrive pour intervenir, commence à avoir un petit échange de mots assez fort avec Stephanie McMahon notamment, et aussi un peu avec Triple H. Triple H qui dénie, enfin qui refuse un combat pour WrestleMania 32 en disant qu'il est plus fort que The Rock. Stephanie McMahon donc gifle The Rock en le provoquant en disant: est-ce que tu vas frapper une femme? The Rock, bien sûr, ne frappe pas Stephanie McMahon. Mais va chercher quelqu'un dans le public. Ce quelqu'un, c'est Ronda Rousey. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une combattante de l'UFC qui, on va dire, fout des branlées monumentales à toutes celles qui essayent de la battre. Je pense qu'elle est invaincue, tout simplement, à l'UFC, si je me trompe pas. Corrigez-moi si je me trompe, bien sûr. Et donc Rousey arrive sur le ring. Stéphanie veut frapper Ronda, mais celle-ci la bloque et la met en armlock, bon, lui fait apparemment assez mal. Et donc ça finit avec The Rock et Ronda Rousey sur le ring, qui donc gagne ce petit segment. Petite préparation peut-être, peut-être soit pour SummerSlam, soit pour WrestleMania 32, plutôt WrestleMania 32 visiblement. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Qui est-ce qui veut prendre la parole, tiens? Ben Allez-y, pour moi, ça battez-vous. me, disons que là, ça me gênerait, évidemment, pour les raisons assez évidentes qu'on a vues dans le segment. Bon, déjà, juste pour juger le segment, c'était quand même un poil trop long, quand même. Ils ont beaucoup abusé, je crois, ils ont tiré sur la longueur. Après, le segment lui-même m'a pas gêné, mais il y a plusieurs points qui ont piqué, quand même. Parce que c'est sûr qu'une rivalité Ronda Rousey contre Stephanie McMahon, faut être réaliste, il n'y a pas débat, quoi. Sérieusement, parce que Ronda Rousey, quand même, c'est un autre sport, entre guillemets, c'est quand même très, très stiff, donc, faut pas que Stéphanie s'y frotte, donc c'est normal. D'ailleurs, à peine, voilà, ils ont fait maladroitement le truc du bras, voilà, comme si elle l'avait cassé en un rien de temps, voilà. Donc, j'ai pas envie, non, de voir ce genre de match, surtout que The Rock, on le sait, il a quand même plus sa carrière derrière lui, ce qui n'enlève rien, que c'est toujours très sympa de le revoir. Et ce qui m'a gêné aussi, c'est bien sûr Triple H, qu'on a vu quand même très fort, qui bat Sting, et qui a ensuite quand même se fait ridiculiser par Ronda Rousey et balancer hors du ring par The Rock. Donc là, ça m'a gêné quand même ce point-là. Et juste le dernier point, quand même, The Rock, Ronda Rousey, c'est encore une promo d'un film, mine de rien, vu qu'ils figureront donc dans Fast and Furious 7. C'est soirée promo pour la WWE, en tout cas. Seb, vas-y. Moi, je suis pas le MMA, UFC, tout ça, je suis pas du tout. Donc, je vais être honnête, je ne connaissais pas cette personne, Ronda Rousey, si ce n'est de nom. Bien sûr, j'ai quand même déjà entendu parler, mais je voyais même pas qui était cette personne physiquement. Moi, ça m'a pas spécialement touché ce segment-là. Je pense que d'autres personnes qui ne suivent pas le MMA sont dans mon cas également. Après, j'admets cependant que s'il y a un match Rock et Rousey contre Triple H et Stephanie McMahon, ça peut être intéressant. Clairement, il y a de l'argent à se faire sur une telle affiche. Ça attire, je pense, beaucoup de médias, à mon avis, une telle affiche. Donc j'espère quand même que ça se fera, parce que sinon j'ai l'impression d'avoir vécu un segment trop long qui n'aura servi à rien du tout. Donc il faut que ça concrétise sur un match maintenant. Ouais, je suis assez d'accord, surtout que j'avais l'impression, enfin voilà, ça crée un certain creux dans le pay-per-view. Alors il y a James qui dit que Ronda Rousey, c'était sa dernière apparition à la WWE selon l'UFC. Voilà, ce que dit une fédération et ce que font les personnes, c'est assez différent. Je pense que si Ronda Rousey va à la WWE, elle finira par le faire. Et il nous dit que sa série à l'UFC est à 10 victoires pour 0 défaite. C'est assez impressionnant. Oui, un segment beaucoup trop long. D'ailleurs, j'avais Vincent à côté de moi qui était en train, enfin, de se plaindre pendant tout le segment. En tout cas, c'était vraiment, ouais, on a vraiment senti, et puis The Rock, c'est plus vraiment une surprise de le voir, hein, on l'a vu quand même ces 4 dernières années. Même 5, ouais, il y a WrestleMania 27, oh là là. 20, enfin voilà, quoi, de 27 au 31, il est là. C'est quand même assez étrange de l'utiliser un peu comme ça. Bon, si ça mène à un match, tant mieux, mais sinon, voilà, je vois pas trop l'intérêt de faire ça spécialement à WrestleMania, même si ça met un peu de hype. On va passer au match suivant, un match aussi qui avait une certaine hype, même si le pauvre Bray Wyatt avait dû faire la promotion de ce match tout seul comme un grand, parce que l'Undertaker n'était pas là. Donc ce match entre l'Undertaker et Bray Wyatt qui finit par une victoire de l'Undertaker en 15 minutes 12, ce qui porte la série de l'Undertaker à WrestleMania, hein, qu'on peut plus vraiment appeler ça une streak parce que il a perdu l'année dernière, ça la porte à 22-1. Seb, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Je pensais que le match était correct, mais décevant dans les standards du Taker à WrestleMania. On a connu tellement mieux tout au long de sa longue carrière à WrestleMania que ce match-là est un peu en dessous des attentes. Après, je sais pas si ça a joué le fait qu'on ne l'a pas vu faire la promotion de ce match auparavant. C'était sa première apparition depuis sa défaite contre Brock Lesnar. Donc, certes, ça a créé une certaine attente de le revoir, mais la promotion du match, je pense, en a un petit peu pâti. Je questionne quand même le fait que le Taker catch encore après la fin de sa série d'invincibilité, puisque pour moi il y a plus d'intérêt maintenant de le voir se combattre à WrestleMania une fois que la série est finie. On a fait le tour du catcher à mon avis, donc si sa carrière s'était arrêtée l'an dernier, ça ne m'aurait pas déplu. Brucey, tu es d'accord avec ça, j'imagine? Oui, quand même dans l'ensemble, parce que pour être gentil, disons que c'était un match appliqué, mais alors pour être réaliste, c'était quand même bien chiant, faut être honnête, et puis c'est vrai que ça montre aussi d'un côté les limites de Wyatt, parce que c'est quand même pas cadeau de lui filer le Taker, mine de rien. Ça peut être un honneur en l'occurrence, mais c'est quand même pas un cadeau, parce que même s'il y avait des rumeurs qu'il était blessé, bon là je crois pas nécessairement, parce qu'en fait le mal de Wyatt c'est qu'il ne peut pas diriger un combat, on le sait. Parce que sinon il est bon, hein. Moi je l'aime beaucoup, mais disons qu'il faut quand même un catcheur qui aime diriger le combat en face pour que ce soit vraiment intéressant. Alors que là, forcément, c'était quand même l'Undertaker qui menait du coup, et qui forcément, et le poids des ans, le fait que c'est vrai que pour moi il aurait dû arrêter déjà l'année dernière. Oui. Donc voilà. C'était au final bof. Alors, il y a James qui dit le fait que le personnage de Undertaker évolue, qu'il devienne plus humain, je trouve ça vraiment cool. Là où je vais te contredire, mon cher, même si c'est très bien que tu interviennes tout ça, c'est que ben l'Undertaker, tu le vois une fois par an maintenant, peut-être un petit peu avant un Raw. Donc pour développer un personnage, c'est quand même assez court. Après, je dirais que le personnage humain, il l'avait déjà eu à l'époque où il était badass, bien sûr. C'est beaucoup aussi. Plus ancien quand il était sur la moto, tout ça. Donc voilà, ça il était mais vraiment très humain. Là, ce qui me dérange, c'est que tu donnes une victoire à l'Undertaker qui va lui servir à rien du tout. Ah, absolument oui, ouais, à rien. Même, tu vois, c'est bon, on peut baser cette réflexion sur le fait, oui, c'est pour compenser la défaite de l'année dernière. Si t'as vraiment peur de ce cas-là, enfin voilà quoi, les fans ont eu le temps de digérer. Un an après, enfin voilà, la défaite, tout le monde l'a encaissé. Tout le monde peut dire que oui, ça a quand même servi à mettre Lesnar sur un sacré piédestal et dont il est jamais vraiment redescendu, ce qui est quand même très positif parce que c'est rare à la WWE qu'un booking atteigne un tel niveau et qu'il y reste. Mais surtout, ben voilà quoi, une victoire de Undertaker, le mec, ben il est plus là. On le voit plus, il est plus annuellement, il est plus en forme, il est plus en état d'être là. Alors que Bray Wyatt, ben, lui, il est encore là, et enfin, même s'il était absent au Raw du lendemain, enfin, je vois pas en quoi ça lui sert de perdre face à Undertaker. Je pense qu'ils ont manqué d'originalité, qu'ils auraient pu faire quelque chose d'au moins plus développé que ça. Alors que là, c'est un match assez basique, un peu décevant, même si l'état de santé des deux, apparemment, Bray Wyatt avait un problème avec sa cheville. L'Undertaker, bon bah voilà quoi, il y a l'âge qui fait ça. Même si, enfin franchement, les rumeurs disaient que l'Undertaker était en meilleure forme que d'habitude. Enfin voilà quoi, la dernière fois qu'il a été en forme, c'était face à CM Punk quoi. Depuis, c'est un peu le drame. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, messieurs, sur ouais ouais, bah voilà, moi je dirais que la conclusion du match, c'est que finalement c'est à qui perd gagne, enfin où personne gagne au final, ni l'un ni l'autre, à part une ligne supplémentaire à WrestleMania, c'est tout. Et sinon, moi j'étais juste déçu forcément des entrées, parce qu'avec ces deux personnages très mystiques en plein jour limite, remarque, ça commençait un petit peu l'obscurité, mais c'était beaucoup trop limite, et en plus il y a un technicien qui a trouvé le moyen de se mettre juste devant au moment où le taker apparaît, donc et puis bon, moi c'était raté. Ouais. Je pense qu'il est viré entre temps, il n'a plus de job. Et puis ben forcément, le coup des épouvantails derrière, c'est pas très flippant en plein jour quoi. C'est ok, écoute, hein, y a des gens qui marchent derrière toi, fais gaffe, mon grand. c'est pas terrible. Avant de passer au main event. Je pense qu'on va faire une dernière pause, mais là c'est un peu plus spécial, c'est parce qu'on voudrait parler d'une nouvelle ville qui est née depuis WrestleMania. Je laisse notre ami Vincent vous laisser avec le petit magnéto, et puis on se retrouve juste derrière. WrestleMania 31, Brock Lesnar. Suplex City, bitch. Wrecking Roman Reigns with my German whip. Throw him over the ring, I release that shit. Cause I'm Brock Lesnar, I don't need no bridge. Cause I hurt my neck many years ago, but I still get to go to bed with Rina Miro. So she loves my rod and tackle whenever I give her them. You wanna suplex? Bitch, that's a fisherman. Start of the match. F5, try to come back. F5, think he's on the attack. F5, money in the bank, nah. F5. I'm in your main event, making very good telly. Safer on the apron, nah, belly to belly. Slap Roman around, I know that you heard him all. He takes it lying down, I keep my suplexes vertical. Ask him, was it worth it all pounding this dude's chest? Wanna dance a mania when you can't do the two-step? You don't see Goldberg anymore, in fact who's next? Oh shut up Roman, take a back suplex. Start of the match, F5, try to come back. F5, think he's on the attack. F5, money in the bank, nah, F5. Sit back, city, bitch. On se retrouve donc à Suplex City Beach, comme aime le rajouter Paul Heyman et aussi Brock Lesnar. Donc pour un match entre Brock Lesnar et Roman Reigns, match pour le titre de la WWE, remporté par Seth Rollins. Attends, il y a une bug dans mes notes? Non, je déconne. Pardon, excusez-moi pour cette blague de mauvais coup. C'est Seth Rollins qui arrive avec le Money in the Bank en plein match après que les deux se soient pas mal amochés pour mettre d'abord un curb stomp enfin sur Brock Lesnar. Au deuxième, il se fait contrer, il va pour le F5. Cette fois-ci, le spear arrive de Roman Reigns. Et Seth Rollins, cette fois-ci, met le curb stomp sur Roman Reigns pour la victoire en 16 minutes 43 secondes. Je vais laisser l'Alsace commencer ce coup-ci. Ah, alors, au-delà de l'après-match, je vais déjà passer au match entre Roman Reigns et Brock Lesnar, que j'ai trouvé vraiment sympathique. C'est vrai que Brock Lesnar, il a une capacité à rendre les matchs, j'ai trouvé, il rend ses matchs réels. Enfin, c'est assez dingue, quoi. T'as l'impression qu'il porte les coups vraiment. Souvent, d'ailleurs, il y a du sang, donc j'ai l'impression qu'il porte vraiment les coups parfois. Là, c'était encore le cas avec pas mal de sang du côté de Lesnar qui s'est bien ouvert dans le poteau. Hashtag le poteau. Hashtag le poteau. Hashtag le poteau. Sinon, en parlant de l'après-match, oui, je pense que c'était un moment assez énorme de la part de Seth Rollins. Première fois que quelqu'un fait un cash à WrestleMania, c'était attendu depuis longtemps et c'est enfin arrivé. Et c'était parfaitement réalisé, surtout que c'était en plein match, donc personne ne s'attendait à ce que Rollins apparaisse durant le combat. Ça n'a jamais été fait non plus. Donc pas mal de premières fois pour ça, cette partie-là du show, et ça fait quand même une belle récompense pour Rollins qui travaille tout au long de l'année plus que personne, j'ai l'impression, et qui est parfaitement récompensé avec ce titre que j'applaudis parfaitement. Mais je suis globalement quand même à l'avis de Sébastien, il n'y a pas de souci, mais évidemment qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus sur ce match que je n'ai pas resté là, bien sûr. D'abord, je faisais une analyse toute pourrie en live, je me disais, j'analysais moi les pyros. Donc, je me disais déjà, Roman Reigns, au niveau des pyros, il est mal barré, parce que celui qui a le plus de pyros, en général, il finit par gagner. Au départ, je me disais qu'il perdait, mais au final, je me disais, il va gagner. Donc là, Lesnar, au niveau des pyros, ça y allait, en l'occurrence. Donc, je me disais, bon, c'est mal barré. Ensuite, le match, on peut dire qu'il démarre par une vraie raclée. Et là-dessus, mais finalement, ce scénario qui me faisait très peur quand même en live, j'ai trouvé qu'il était bien trouvé, parce que c'était ce qu'il fallait, parce que s'il laissait déjà Roman Reigns au début, ça aurait pu se gâter. Et puis au passage, voilà, il y avait aussi la donnée essentielle, c'était de voir quand même Roman Reigns, quand même, qui est quand même très très mis en cause, on le sait depuis le Royal Rumble, et qu'à partir de là, hué et tout ça, voilà. Comment il allait se débrouiller, sachant que quand même il se retrouve dans le main event de WrestleMania à peine 4 ans après avoir débuté le catch. Donc c'est sûr que c'est pas cadeau. Moi je trouve qu'il s'est bien débrouillé. Et après, pour répondre aussi un petit peu à Seb, il se mettait vraiment les coups quand même. Le sang là, c'était pas vraiment du sang trafiqué ou autre, c'était vraiment bien bien le sang qui nécessite un petit peu de couture, quoi. Donc ça y allait pas mal. Après quand même, juste un truc qui était quand même un peu con, je trouve, c'était que Roman Reigns souriait à un moment donné, mais bon, ça, dans une interview après, il expliquait à juste dire que voilà, il voyait que Lesnar n'y arrivait pas à le garder à terre. Donc c'était vraiment le but. Après, d'un coup, il se réveillait à la fin, il bouscule Lesnar comme jamais. Mais je me disais, ça pouvait pas finir comme ça. Et là, c'est le feu d'artifice, vraiment, parce que j'ai l'impression de parler que le feu d'artifice, mais pourtant, voilà, cette routine, c'est absolument parfait. Là, il n'y a rien à dire. Et puis, j'ai une petite référence comme ça qui me vient, forcément, par rapport au vintage Wrestles qu'on avait fait sur WrestleMania 10, qu'on avait fait tout récemment d'ailleurs. En effet. Avec Bret Hart, qui était battu par son frère Owen au début, tout début du pay-per-view, et qui ensuite, tout à la fin, avait fini champion en battant Yokozuna. Et évidemment que dans les faits, il n'avait pas de mallette, Money in the Bank, tout ça. Mais au final, oui. C'est le même schéma. Ce qui est quand même pas mal et qui est quand même aussi intéressant. Et aussi le fait que Rollins obéit, entre guillemets, à la caste des heels qui ont la mallette Money in the Bank. C'est-à-dire qu'ils perdent souvent des matchs assez précieux, tout ça, avant, juste avant de cacher. Et là, ça a marché encore une fois, donc... timing est impeccable et puis moi je suis ravi pour lui, c'est parfait. En effet, parce que bah, de toute façon, son personnage a vraiment une bonne progression à la WWE, en tout cas assez constante. Le match était très très très stiff. Les gars, enfin voilà, quoi que ce soit Roman Reigns comme Brock Lesnar, les deux se sont envoyés vraiment des coups assez énormes. Bon, Brock Lesnar a même saigné plusieurs fois, donc ouais, ça montre quand même que le match était assez violent. Après, on se demande est-ce que c'était trop ou est-ce que ça faisait pas trop une redite de SummerSlam. Enfin voilà, c'était un peu spécial. En tout cas, le match n'était pas très original à ce niveau-là, mais était très intense et ça faisait quand même plaisir parce que bah on s'est pas ennuyé devant ce match comme on aurait pu l'attendre. Et bon, Roman Reigns a réussi à tenir le coup, mais bon, en tout cas, il a beaucoup vendu les coups de Brock Lesnar, toujours aussi impressionnant. Et puis, ben, l'arrivée de Seth Rollins, voilà, hein, c'était vraiment quelque chose de plus. Enfin, ce qui fait que WrestleMania a quelque chose en plus, en tout cas, c'est ce qui donne le sel de WrestleMania, c'est quand on nous surprend comme ça, c'est des vrais WrestleMania moments. Pas juste de gagner face à un mec de 56 ans, pas juste d'apparaître sur le ring en contrant des paroles vaguement méchantes de Stephanie McMahon. Non, les vrais WrestleMania moments, c'est comme ça qu'on les construit, c'est quand tu surprends le public et quand le public est vraiment fou comme ça, comme l'année dernière on avait eu à WrestleMania 30 avec Daniel Bryan. Et ça m'a fait très plaisir de terminer le show aussi, enfin sur une note aussi positive que je l'avais fini l'année dernière avec WrestleMania 30. Voilà, je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter, messieurs. Peut-être que ce soit une bonne chose que Reigns n'ait pas gagné le titre ce soir-là, parce que je pense que ça lui aurait fait plus de tort que de bien au long terme, à mon avis. Oui, et puis la conclusion, c'est que The Authority always wins. En effet, oui, ouais, plus ou moins. Avec ton accent ouais, magnifique. C'est vrai que c'est. Ouais, oui. Merci pour cet anglais de qualité, Brucey. On te recontactera. Maintenant, vous comprenez pourquoi on m'entend jamais lors des interviews au passage. Voilà. En effet. Ben messieurs, on va passer aux notes. Ce live qui déconne, mais c'est pas grave. On va passer aux notes. Donc sur 10. Quelle note donnez-vous à ce petit pay-per-view? Enfin, petit, pardon. À ce, au plus gros pay-per-view de l'année. À ce petit pay-per-view, voilà, c'est Fastlane. À ce WrestleMania 31, quelle note vous lui donnez, Seb? Je vais lui mettre un très solide 8,5 sur 10. Je pense que la soirée est très très bonne. À chaud, j'étais vraiment très enthousiaste. Et à froid, je le suis toujours. Donc c'est positif. Donc je mets un beau 8,5. Brucey. Ah ouais, moi je vais être le grand méchant loup à côté, parce que je vais mettre entre guillemets que 6,5. Pourtant, j'ai bien aimé le show. Mais c'est surtout sur la première heure et sur le main event, parce qu'ensuite c'est assez disparate, ça fait les montagnes russes, et puis c'est quand même un petit peu moins bon que l'année dernière. Donc au final, c'est un bon show tout de même, j'étais bien diverti, mais il y a quand même quelques trucs qui forcément me font baisser la note et être moins enthousiaste que mon collègue alsacien. Alors je vais être aussi un peu moins enthousiaste que ce cher Seb, je vais mettre un petit 7 à ce pay-per-view. En effet, bon, le show a ses hauts et ses bas. Il est vraiment bon, sur courant un peu alternatif. Je trouve qu'il y a des erreurs de booking assez importantes par moment. Bon, on va dire que globalement la plus grosse, ce serait peut-être d'avoir fait perdre Sting. Il y a aussi ce segment micro extrêmement long, trop long. Tu fais pas ça en pay-per-view. Enfin voilà. Je veux bien qu'on fasse ça quand le network soit gratuit. Je veux bien qu'on fasse ça à la rigueur dans un pay-per-view un peu de moindre importance, mais là c'était WrestleMania. On va pas me dire qu'on a relégué deux matchs en pré-show pour finalement combler avec un segment où finalement la hype était pas si énorme que ça. Et aussi il y a le final du Cena Rousseff qui m'a un peu déçu. Bon voilà, c'est ce qui fait une moyenne de 7,3333333. 33. Non, vous, c'est pas le string qui a bugué. Continuez longtemps. Hein. Oui. Donc 7.33 pour ce pay-per-view, une très bonne note pour WrestleMania, moins que WrestleMania 30. Parce que l'année dernière, je pense, on avait été tous à peu près catégoriques pour dire que c'était un très bon show. Mais en tout cas, 7.33, c'est une bonne note. On va parler assez rapidement du Raw After WrestleMania et surtout de Brock Lesnar et de son petit pétage de câble léger. Bon, voilà quoi, il a fait une, on appellera ça une petite Nexus. Il était arrivé en disant qu'il voulait absolument son rematch le soir même, rematch que Stephanie McMahon lui a promis pour plus tard dans la soirée. Il est revenu même pas une petite heure plus tard. Seth Rollins est arrivé, il est arrivé de New York où il avait fait la promo pour la WWE dans un show. Donc il est revenu, mais il a dit qu'il était un peu jetlagué et du coup il a voulu partir. ce à quoi Brock Lesnar a répondu d'un petit non, je pense. En essayant de bloquer Seth Rollins, il a détruit un peu tout ce qui passait sous ses mains finalement. Notamment Michael Cole, la table des commentateurs, et donc JBL et Booker T qui étaient présents aussi, et aussi un caméraman qui était là qui demandait rien, qui a dit bon bah écoute c'est ton tour maintenant. Brock Lesnar donc qui s'est fait suspendre par Stephanie McMahon, voilà, c'est vraiment ce qu'on peut attendre d'un Raw après WrestleMania, je pense, messieurs. Ah oui, complètement explosif. Là, sur le coup, c'était très impressionnant. Et ça marque surtout une première heure de Raw qui est absolument remarquable. Tant en match, où il y avait un Daniel Bryan, Dolph Ziggler aussi, très très bon pour le titre intercontinental, dont on parlera, je pense, tout à l'heure, pour un tout petit point, je crois. Mais sinon, oui, pour revenir au fait de Brock Lesnar, ben voilà la solution. Forcément, c'est compliqué de le faire lutter souvent, surtout qu'il doit avoir un contrat, je pense, assez particulier encore, un petit peu comme il avait du temps où il était champion, tout simplement. Ce qui fait que là, logiquement, il le garde au frais jusqu'à SummerSlam. Enfin, là, c'est un nouveau contrat quand même. Ouais, mais je pense que du coup, ça garantit pas qu'il ait plus d'apparitions tout de même. Donc, ce sera pas Brock Lesnar à chaque Raw. Hein, faut pas. Voilà. Pas rêver. Et déjà, là, on le voit plus, je pense. Voilà. Seb. Ouais, ça reste un peu frustrant qu'on n'aura pas le droit à un rematch pour Brock Lesnar, puisque là, je pense qu'il va être absent de nombreuses semaines. Donc, ça reste dommage. Ouais, après, faut voir ce que réserve la WWE, et je pense que quand même, Rollins aura d'autres choses dont il faudra se préoccuper, notamment Randy Orton et peut-être Roman Reigns encore. Désolé, encore une fois, mais il y a deux matchs qui ont été annoncés pour Extreme Rules, et il y a le match de Seth Rollins. C'est que des rematchs de WrestleMania, voilà. Ah, donc c'est Seth Rollins contre Randy Orton pour le titre de la WWE. En parlant de titre, il y en a deux qui ont été défendus pendant ce Raw, justement. Le premier, Boosty, on a déjà un peu parlé. C'est un match très bon entre Daniel Bryan et Dolph Ziggler. Surtout, après le match, il y a une certaine personne qui s'appelle Sheamus qui est revenue avec une coupe, d'une certaine coupe, enfin un peu, le public a dit. Ah, c'était lui, Punk, hein. Je l'ai pas reconnu. Bon, après, you look stupid, oui, mais. Voilà, un petit you look stupid, mais en tout cas un look mi-punk, mi-hooligan, qui est un peu étrange. Sheamus qui revient heel, je pense que c'est clairement un très bon choix, parce que en fait, il s'était essoufflé depuis une bonne année et demie, donc du coup, c'est un bon choix. Vous êtes d'accord, messieurs, je pense. Totalement, oui. Et qu'est-ce que vous pensez de ce look? C'est un look typiquement fait pour être heel, hein. Il n'y a aucune chance qu'il soit comme ça en tant que face, hein, clairement. Moi, je suis ravi de ce choix de heel turn, puisque, comme tu l'as dit, ouais, c'est vrai que son run face commençait à tourner en rond et on ne prenait plus trop au sérieux. Là, en heel, il a l'occasion de démontrer totalement ses capacités. Il est meilleur pour moi en heel qu'en face. Donc, j'attends de voir ce qui devrait être, je pense, un retour au premier plan pour Sheamus. Oui, voilà, et puis une rivalité avec Daniel Bryan et Dolph Ziggler qui s'orientent, avec Wade Barrett dans le jeu, donc du coup, ça, on un petit fatal four way. Ouais, je pense. C'est pas un match qui a été officialisé, rassurez-vous. Je spoil rien, là, c'est juste une petite pensée. Mais sinon, oui, forcément, il est meilleur dans ce rôle de heel, même si en face, il a fait quelques bonnes choses, mais c'est vrai que il a touché quand même certaines limites aussi à ce niveau-là, alors qu'il y a beaucoup plus de possibilités pour lui. Et moi, je suis beaucoup plus dubitatif sur le look. Autant la barbe, aucun souci. Autant la crête, c'est quand même assez difficile à porter, moi, je trouve. Et ce qui est rigolo, il y a en vue son match contre Bryan, finalement, avec qui est pas Ziggler, alors que c'était annoncé au départ comme ça, à SmackDown. Et ben, c'est marrant parce qu'au final, avec la sueur, au fur et à mesure du match, disons que la crête, ça part un peu en live, n'importe comment. Et ensuite, il y a eu John Cena qui a battu Dean Ambrose dans un Open Challenge, un format qui apparemment, bon, pour spoiler un petit peu SmackDown encore une fois, il a dit qu'il allait le reprendre toutes les semaines, donc peut-être une défense du titre des États-Unis chaque semaine, mais il y a Rusev qui est toujours un peu en attente, il y aura sûrement un rematch Que pour vous Extreme dire, Rules. justement, oui, c'était l'autre match annoncé. Donc voilà. Ah bah voilà. Mais est-ce que Cena va le garder? Pardon, excusez-moi. Je vous balance du faux suspense comme ça, tel Nikos Aliagas, c'est un peu terrible. Donc Cena qui risque de redéfendre un peu son titre US, c'est intéressant comme idée. Il a clairement dit qu'il voulait être un fighting champion, je pense. Et Dean Ambrose donc qui est apparu pour essayer de reconquérir un titre qu'il n'a pas eu depuis un moment. Un très bon match aussi, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais ce match était vraiment sympa. Ah aussi, oui, c'est vrai qu'il n'était pas dans la première heure, mais je l'ai trouvé très bon aussi. Ouais. Très bon, ouais. D'autant plus que c'était une surprise de voir Dean Ambrose, puisqu'on pensait tous qu'il serait absent dû à son bump du match de l'échelle de WrestleMania, et finalement il est présent et il est capable même de faire un très bon match de 15 minutes. Donc. En même temps, c'est vrai que le gars, il était quand même à CZW avant. J'avais oublié ce détail. C'est vrai qu'il en avait quand même pas mal pris, c'était son À mon habitude. avis, oui. On va aussi rapidement parler de Neville, pardon, qui a fait ses débuts dans le main roster après, enfin, Adrian Neville pour ceux qui l'ont suivi à NXT. Il y avait Curtis Axel sur le ring qui disait que la Axel Mania était terminée, mais que la route pour Extreme Rules commençait. En tout cas, il continue sur cette petite gimmick de parodie de Hulk Hogan, un peu cette espèce de heel magnifique qu'on aime bien voir perdre, enfin ce petit loser magnifique. Et c'est Neville qui lui a un peu coupé la parole pour un premier match où il a montré vite fait sa petite palette, vraiment une petite part de sa palette de moves. Et il a fait, ma foi, bonne impression. Qu'est-ce que vous avez pensé de ses débuts, messieurs, et puis de ce raccourcissement de prénom? Le nom, pardon. Ah oui, bah déjà moi j'aime pas honnêtement, parce que déjà quand il y a un gars qui dont le prénom commence par A et qui vient de NXT, il le vire. Et après Alexander qui est devenu Rusev tout court, après Antonio Cesaro qui est devenu Cesaro. Ouais, il venait pas Maintenant, vraiment de NXT à ce ah oui, moment-là. autant pour moi, mais bon voilà. Tant pis, je fais quand même le rapprochement. Donc voilà, encore un international européen quoi, voilà parce qu'il est anglais au passage. Après, oui, c'est quand même un potentiel intéressant, mais on en avait, je me rappelle, beaucoup débattu lors, pas du dernier Next Gen Wrestling, mais lors du Sur précédent. là où il perd le titre NXT. Ouais, voilà, c'est ça, où on en avait parlé justement de ses chances dans le main roster. On avait été tous relativement dubitatifs. Bah, ce qui lui manque, c'est quand même du mix skill, Pas parce que moi. sinon, ses aptitudes, elles sont énormes. Donc On à va dire part qu'on a été ça, prudent. On a il est été plus dans prudent. le profil d'un Kofi, entre guillemets, mais en spectaculaire, bien sûr. Et voilà. Oh, il est quand même beaucoup plus puissant que Kofi Oui, Kingston. non, mais je veux dire, voilà, beaucoup plus vif encore que Kofi, hein, voilà. Ah, moi, Seb, tu voulais. j'étais confiant dès le début, hein. Je pense que je le dis depuis un certain temps, d'ailleurs seul contre vous tous. Je pense que ça va réussir. Et bon, ce soir, c'est vrai que le public était déjà acquis à sa cause, hein. On va pas se le cacher. C'était quasiment que des smarts dans le public, donc ils le connaissaient. Ce serait intéressant de voir ce que ça donne face à une autre foule Oui, et en composée plus, de personnes faut se plus rappeler qu'il y a quand habituelles. même beaucoup d'anglais aussi dans le public. Aussi, ouais, c'est Ah, vrai. c'est une foule un Donc peu j'attends. européenne, hein, c'est WrestleMania, c'est une foule de WrestleMania. C'est sûr. Mais ouais, moi je pense que par sa qualité de move qui est quand même incroyable, hein, c'est pas comme Kofi Kingston par exemple, comme tu viens de mentionner, qui est un bon catcheur, mais qui est pas un catcheur incroyable dans le sens où il fait des choses hors du commun. Je pense que dans cette catégorie de catcheur là, il peut faire son trou, donc moi j'y crois. C'est ouais, ben moi je reste aussi sur l'avis qu'il peut réussir, mais que c'est quand même soumis à beaucoup de conditions, et j'ai peur du booking, enfin sur cet après WrestleMania, j'ai peur qu'il soit un peu justement un des dégâts collatéraux du fait que ce soit John Cena et Daniel Bryan qui détiennent la ceinture. Peut-être pour Daniel Bryan, ce sera plus accessible pour lui au bout d'un certain temps de faire un match pour le titre intercontinental. Mais j'ai l'impression que d'un côté c'est bien pour les ceintures d'avoir des main eventers, mais d'un côté ça permet pas de lancer des gars comme ça à la vue du public. Bon, ben c'est un booking à gérer pour la WWE et ça risque d'être un peu compliqué. Mais c'est pas en affrontant Curtis Axel que le public va vraiment être fou de lui dès la première minute. Sinon, il y avait aussi les habituels chants un petit peu décalés. Hein, on va en citer quelques-uns. Il y avait la reprise du John Cena Sucks sur son theme song, donc en rythme. Il y avait aussi les pauvres New Day qui tentent d'attirer la foule avec des petits claps comme ça et qui finissent par un petit New Day Sucks. En insistant, ça ne passe toujours pas. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a comme chants qui vous ont marqué pendant après ce match? C'était pendant le match de Nikki Bella, qui est, on le sait, sa compagne. Donc, elle n'a pas du tout aimé ça d'ailleurs. C'est nouveau. En effet, c'est nouveau. Après les chants CM Punk, Nikki Bella qui a le droit à des chants John Cena, comme Brie Bella avait eu le droit à son petit Yes movement personnalisé quand elle a été face. On notera aussi, bien sûr, les chants Suplex City en début de show et le You Look Stupid encore, ou je sais pas si c'est Sheamus. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est vraiment une foule très réactive. Il y a les Ola, enfin voilà. Il y a aussi le Please Retire, le Please Retire pour le Big Show, qui est assez cruel pendant le tag team. Même si on pense tous que ce serait bien qu'il parte un petit peu d'euros pendant un petit moment. Enfin voilà, pourquoi pas pour la retraite, mais voilà. Bref. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, messieurs? Quelque chose que je n'aurais pas dit sur ce Raw? Nine. Non. Je pense qu'on a fait vraiment le tour. Il y avait aussi les Lucha Dragons, mais ça, on en a parlé un peu en début de show. On en a déjà parlé. Ouais. Donc voilà. Un Raw globalement très satisfaisant. On mettra pas de notes, mais je pense que de la vie générale, il était quand même sympathique. Même si c'est surtout la première heure qui vous aura marqué, j'imagine. Oui, voilà. Et puis les deux tiers. Les deux tiers. Ouais. Et puis par rapport à d'autres, évidemment, d'autres années, là, il n'y a pas de nouveaux champions, pas de cash-in forcément. Donc voilà. Un Raw un peu plus stable, mais qui n'a quand même pas manqué de folie. Et c'était très sympathique. Bon, je pense qu'on peut passer aux petites promotions et autres partenaires, avec d'abord le fait que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Alors apparemment ce live va encore bugger, voilà, on s'en excuse. C'est indépendant vraiment de notre volonté. Là je pense que c'est YouTube qui bug. Voilà, on essaye de réparer ça, c'est vraiment dommage. Après vous pouvez nous rejoindre sur Twitter @WrestlesRadio, sur Facebook WrestlesRadio également. Il y a les podcasts qui sont disponibles sur archive.org, on diffuse généralement les liens, que ce soit sur Twitter ou Facebook. Et on est aussi disponible sur iTunes, vous cherchez Wrestles Radio, vous nous trouvez, et chaque podcast qui sort, sera ajouté et au moment de l'actualisation quand vous ouvrez iTunes. Donc c'est très pratique pour écouter les podcasts sans vraiment les télécharger. Enfin voilà. On va citer nos partenaires. Voxcatch avec la review du patron d'Aren, qui est enfin le patron de Voxcatch, pardon, pas notre patron ici, mais le patron de Voxcatch, donc d'Aren, qui a fait la review de WrestleMania. Il y a aussi des premiers articles sur Lucha Underground, enfin des articles plus fréquents de la part de Broussi, qui commence une série sur ce très bon show de la AAA, qui a eu un peu de la malchance en ce moment, mais on espère que ça ira mieux après la mort de Hiro Del Perro Aguayo Jr. Pendant ce temps-là, Lucha Underground est toujours là et on espère que la A va continuer à donner des dossiers excellents shows. Voilà, je rame un peu, mais je vais y arriver. Il y a aussi un petit article sur Seth Rollins de ma pomme qui vous attend. Voilà. Ensuite, on est toujours avec FN Lutte qui diffuse toutes les interviews. La dernière, c'est celle du catcheur TNA Abyss qui est sortie. Donc, il fait une petite dizaine de minutes. Donc là, vous n'avez pas d'excuses. Franchement, l'interview est rapide. Elle est sous-titrée. Une petite dizaine de minutes. Et franchement, Ça risque de se reproduire parce que apparemment la TNA a eu des retours assez positifs, donc on devrait en avoir d'autres. La TNA qui est toujours partenaire avec Wrestlers Radio, enfin c'est un partenariat assez particulier. Je pense qu'il est exclusif au niveau français et on en est très fier. On en est très fier. Sans vous dire qui est-ce qui pourrait venir, on peut vous dire que c'est une femme et que c'est une femme très importante à la TNA. Et très appréciée. Très apprécié, je pense. On citera aussi British Wrestling Revival, ma chaîne de catch, et aussi Lucha Underground FR. On parlait de Lucha Underground. Il y a aussi les shows qui sont commentés en français, et vous pouvez suivre sur Twitter, donc @Lucha Underground FR. Le prochain podcast en live, si on y arrive, parce que voilà, ce sera le jeudi 30 avril, il me semble. Puisque Extreme Rules est le 26 avril. Ah non, justement, il peut y avoir une refonte, on ne sait jamais, ça sera peut-être, on vous tiendra au courant, peut-être. On vous tiendra au courant, ce sera peut-être pas le jeudi, ce sera peut-être plus tôt. On va beaucoup travailler parce que on a remarqué que sur WrestleMania, on a eu des problèmes et enfin voilà. On essaye de travailler la formule comme d'habitude, on espère qu'elle vous plaît. Et du coup, voilà, on va vous poser des questions, on va voir, on va essayer d'améliorer pour qu'il y ait le maximum de monde qui puisse suivre ce live. Et que aussi il reste divertissant tout au long, et que voilà, on vous ennuie pas quoi. Quand même. Ouais, il y aura une petite réunion prochainement. Et... Donc voilà, on va. Des têtes vont tomber. Des têtes vont tomber et on espère pas trop bas. Excusez-moi. Décidément cette soirée, voilà. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les interviews qu'on a fait. Donc je parle d'Abyss, DDP, Jeff Jarrett, tout ça. Voilà, il y a tellement d'interviews. Voilà, il y a même Christophe Ajus qui était de retour. À WrestleMania, il ne le savait pas encore au moment où l'interviewer, mais en tout cas, on est très fiers que la table d'annonce française ait gardé sa place, même si elle était, elle partageait un petit peu avec les Italiens et les Allemands, qui étaient eux aussi présents, et bien sûr la table d'annonce mexicaine toujours de service. On se retrouve donc pour un prochain numéro. Juste un truc, coucou aussi à Roméo qui était spectateur encore à WrestleMania, donc voilà, coucou parce qu'il a eu une interview, on se rappelle, et il fait une bonne carrière là-bas, donc voilà. On est très content pour lui en tout cas. On vous retrouve pour un prochain numéro de Late Night Wrestles. Donc peut-être le 30 avril, on ne sait pas. On vous dira la date, on vous la communiquera. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Bye bye, ciao. Ciao.